Jérémie chapitre 25. La parole qui fut adressée à Jérémie, touchant tout le peuple de Juda, la quatrième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, qui est la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Laquelle Jérémie le prophète, prononça à tout le peuple de Juda, et à tous les habitants de Jérusalem, en disant. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, qui est la vingt-troisième année, la parole de l'Éternel m'a été adressée, et je vous ai parlé, me levant dès le matin, et parlant, mais vous n'avez point écouté. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs prophètes, se levant dès le matin, et les envoyant, mais vous ne les avez point écoutés, et n'avez point incliné vos oreilles pour écouter. Lorsqu'il disait, détournez-vous maintenant chacun de son mauvais train, et de la malice de vos actions, et vous habiterez d'un siècle à l'autre sur la terre que l'Éternel vous a donnée, avouez à vos pères, et n'allez point après d'autres dieux, pour les servir, et pour vous prosterner devant eux, et ne méritez point par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous m'avez désobéi, dit l'Éternel, pour mériter par les œuvres de vos mains, à votre dommage. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Voici, j'enverrai, et j'assemblerai toutes les familles de l'Aquilon, dit l'Éternel, j'enverrai, dis-je, vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, je les détruirai à la façon de l'interdit, je les mettrai en désolation, et en opprobre, et en désert éternel. Et je ferai cesser parmi eux la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules, et la lumière des lampes. Et tout ce pays sera un désert, jusqu'à s'en étonner, et ces nations seront asservies au roi de Babylone 70 ans. Et il arrivera que quand les 70 ans seront accomplis, je punirai, dit l'Éternel, le roi de Babylone, et cette nation-là, de leurs iniquités, et le pays des Chaldéens, que je mettrai en désolation éternelle. Et je ferai venir sur ce pays-là, toutes mes paroles que j'ai prononcées contre lui, toutes les choses qui sont écrites dans ce livre, lesquelles Jérémie a prophétisé contre toutes ces nations. Car de grands rois aussi, et de grandes nations, se serviront d'eux, et je leur rendrai selon leurs actions, et selon l'œuvre de leurs mains. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe de ce vin, savoir, de cette fureur-ci, et en fais boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. Ils en boiront, et ils en seront troublés, et ils en perdront l'esprit, à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main de l'Éternel, et j'en fis boire à toutes les nations, auxquelles l'Éternel m'envoyait. Savoir, à Jérusalem, et aux villes de Juda, et à ses rois, et à ses principaux, pour les mettre en désolation, en étonnement, en opprobre et en malédiction, comme il paraît aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et aux principaux de sa cour, et à tout son peuple, et à tout le mélange d'Arabie, et à tous les rois du pays du, et à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, Gaza et Écron, et au reste d'Esdo, à Édom, et à Moab, et aux enfants de Lamon, à tous les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, Théma, et à Buse, et à tous ceux qui sont au bout des coins, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois du mélange qui habitent au désert, et à tous les rois de Zinri, et à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Mède, et à tous les rois de l'Aquilon, tant proches qu'éloignés l'un de l'autre, et à tous les royaumes de la terre, qui sont sur le dessus de la terre, et le roi de ces Akan boira après eux. Et tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés, même rendez le vin que vous avez bu, et soyez renversés sans vous relever, à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Or il arrivera qu'ils refuseront de prendre la coupe de ta main pour en boire, mais tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, vous en boirez certainement. Car voici, je commence d'envoyer du mal, sur la ville sur laquelle mon nom est réclamé, et vous, en seriez-vous exempt en quelque sorte? Vous n'en serez point exempt, car je m'en vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Tu prophétiseras donc contre toutes ces paroles-là, et tu leur diras, L'Éternel rugira d'en haut, et fera entendre sa voix de la demeure de sa sainteté, il rugira d'une façon épouvantable contre son agréable demeure, il redoublera vers tous les habitants de la terre un cri d'encouragement, comme quand on presse au pressoir. Le son éclatant en est venu jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel plaide avec les nations, et il contestera contre toute chair. On livrera les méchants à l'épée, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, le mal s'en va sortir d'une nation à l'autre, et un grand tourbillon se lèvera du fond de la terre. Et en ce jour-là ceux qui auront été mis à mort par l'Éternel, seront étendus depuis un bout de la terre jusqu'à son autre bout. Ils ne seront point pleurés, et ne seront point recueillis, ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre. Vous, pasteurs, hurlez et criez, et vous, magnifiques du troupeau, vautrez-vous dans la poudre, car les jours déterminés pour vous massacrer, et les jours de vos dissipations, sont accomplis, et vous tomberez comme un vaisseau désirable. Et les pasteurs n'auront aucun moyen de s'enfuir, ni les magnifiques du troupeau, d'échapper. Il y aura une voix du cri des pasteurs, et un hurlement des plus puissants du troupeau, à cause que l'Éternel s'en va ravager leur pâturage. Et les cabanes paisibles seront abattues, à cause de l'ardeur de la colère de l'Éternel. Il a abandonné son tabernacle, comme le lionceau, car leur pays va être mis en désolation, à cause de l'ardeur de la fourrageuse, à cause, dis-je, de l'ardeur de sa colère.